Bonsoir, bienvenue dans votre édition du soir en direct sur GFM TV. Il est 20h, c'est le rappel des titres. On commence avec les suites des révoltes populaires qui ont lieu en France ces dernières semaines. Les révolutionnaires de la 5e internationale qui ont investi le Palais Bourbon et tondu les parlementaires occupent désormais la place de la République. Cette semaine, une réunion de vengeance collective est organisée. L'homme le plus riche de France, Bernard Arnault, est actuellement au pilori. Les anciens salariés du milliardaire se relaient minute par minute pour lui mettre des fessées. Dans les prochains jours, les travailleurs polonais et bangladais sont attendus pour participer à la fête. International, la décision de Donald Trump de reconnaître Dakar comme capitale officielle de l'Afrique fait débat aux Nations Unies. Une crise est actuellement en cours à New York. Plusieurs dirigeants africains ont déjà annoncé leur volonté de modifier la constitution pour pouvoir se présenter aux prochaines élections. Les opposants au président américain affirment quant à eux que l'Afrique n'est pas un pays. Rififi, suite au décès du scientifique Stephen Hawking, la communauté scientifique organise une commémoration ce mardi. Des marches blanches sont attendues un peu partout dans les grandes villes occidentales. Les représentants de l'association des handicapés et des personnes à mobilité réduite appellent au boycott et dénoncent, je cite, une appropriation culturelle. Sport, après le scandale de la blackface d'Antoine Griezmann, nouveau retentissement dans le football français. Olivier Giroud annonce ce matin abandonner le football et se lancer dans le one-man show. La première aura lieu dans un mois au théâtre de la Main d'Or. Mais avant de commencer ce journal, escapade sur les rives du Mékong, où deux scientifiques français sont à la recherche d'un animal dont certains contestent l'existence. Focus sur ces aventuriers des temps modernes. Notre correspondant au Laos, Thierry Margoulin, s'est aventuré pour vous dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Le matin se lève sur la jungle laotienne. Le professeur 10130, lui, n'a pas dormi de la nuit. Depuis le coucher du soleil, perché sur une chaise de surveillant de piscine, il veille sur l'horizon. Pendant deux semaines, il sera payé l'équivalent de 12 SMIC pour accomplir ce travail de titan. J'ai pas fait 35 ans d'études cumulées pour bouffer des pâtes comme un député. Ce qu'il cherche, c'est un animal mythique. Décrit dans les textes saints de toutes les religions, le Glovok reste pourtant introuvable. Une créature dont certains contestent l'existence, mais ce duo d'aventuriers des temps modernes est bien résolu à faire taire les rumeurs. Il est 13h. Et le collègue du docteur 10130, le professeur Delax, vient de se réveiller. Quand est-ce qu'on mange ? Cet après-midi, accompagnés par leur guide Wilhelm, ils vont marcher près de 4 heures dans cette forêt humide. C'est une véritable course entre l'homme et la nature qui se joue sur ces territoires vierges de toute influence humaine. Regardez, ça ce sont des excréments de Glovok. On les reconnaît à leur consistance molle et à leur goût proche de l'arachis hypogaea, communément appelé cacahuète. Mais au fait, qu'est-ce qu'un Glovok ? Ah, le Glovok est un animal très particulier puisqu'on le retrouve partout sur Terre, dans le cratère des volcans, comme dans des abysses, dans les océans. C'est l'animal avec la plus grande capacité d'adaptation du monde. Il peut prendre une forme vertébrée ou invertébrée, insectoïde ou tétrapode, mammifère ou ovipare. Il fait ce qu'il veut. Au Laos, on cherche plutôt un Glovokis marsupialia. Il ressemble à un gros opossum avec des yeux orange. La seule caractéristique commune de tous les Glovok, c'est la plume qu'il porte sur la tête. La taille de la plume est toujours proportionnelle à son corps, mais la couleur change selon son infraclasse. Une étrangeté qui amène une partie de la communauté scientifique à remettre en cause son existence. Oui, alors les lobbies militaro-industriels font pression sur les scientifiques parce qu'ils savent que le Glovok est un symbole d'unité entre les peuples. Parce que l'existence même du Glovok est un appel à l'amour et à la fraternité. Et forcément, ça rentre en contradiction avec les intérêts de certains. Des propos controversés que le scientifique assume. Il est 17h. Depuis une demi-heure, les chercheurs suivent une piste sérieuse. Normalement, on n'est plus très loin. On est sur son territoire. Si on a de la chance... Là ! Ah oui, oui, c'est lui. C'est le Glovok. Il est encore plus beau que le Glovok ougandais. Oh, tu vois sa plume ? Attends, t'es sûr que c'est un Glovok ? Ça ressemble quand même vachement à un léopard. Malgré le décès malheureux de leur guide Wilhelm, dévoré par un félin récalcitrant, les deux scientifiques ne perdent pas espoir. La nuit est en train de tomber, c'est la fin d'une dure journée pour ces nouveaux aventuriers. Le mystère du Glovok reste entier. Malgré les controverses et le doute, chacun est libre d'y croire. Comme le disait le philosophe français Diderot, on risque autant à croire qu'à croire trop peu. C'était Thierry Margoulin sur GFM TV, depuis Vinciane. Un document qui laisse songeur. Priorité au direct sur GFM TV, le combat de MMA entre Laurent Wauquiez et Jean-Luc Mélenchon vient de commencer à l'instant. Le président des Républicains maintient sa garde sous les coups du leader. We'll be right back. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans Glovoque, le seul podcast qui a de moins en moins d'auditeurs à chaque épisode. Nous sommes ensemble pour 6 heures d'émission dans la joie, le bonheur, la bienveillance et le consentement mutuel. Je suis toujours en compagnie du farouche professeur 10130. Bonsoir 10130. Bonsoir. Ça va bien ? Bonsoir, ça va très bien Delax, et toi ? Tu as l'air très calme ce soir. Mais très, oui, très mais Glovoque 1.0, le calme, la sérénité, la paix. Ouais, j'ai appris que la guerre en Syrie était terminée. Ah, ok. Du coup, pour les vrais bails directement. Pour fêter la fin de la guerre en Syrie, j'ai décidé de me calmer aussi, de mon côté. D'accord, donc tout le monde se calme. La paix, voilà. Nous sommes également en compagnie de Maître Quentin qui est là encore ce soir. Et bonsoir oui, Maître Quentin. Bonjour à tous. Comment ça va ? Bah ça va très bien, deuxième émission et puis là on évolue, ça fait du bien. Absolument, nous évoluons. Alors attendez, parce que je suis... Comme vous l'entendez, nous sommes un petit peu sur une nouvelle version de Glovoque. C'est un petit peu la version 1.0 de Glovoque. Jusqu'à maintenant, bon, c'est vrai qu'on avait un son un petit peu dégueulasse. Là maintenant nous avons un vrai setup, nous avons des micros chacun. Et nous sommes riches. Des choses folles, nous sommes évidemment riches, hein, notre niveau de vie a considérablement augmenté. Disons qu'on a investi avec les YouTube Money surtout. Oui, merci à les auditeurs qui nous ont envoyé de l'argent sur Tipeee. N'hésitez pas à nous envoyer énormément d'argent sur Tipeee. Hein. Sur Patreon, merci beaucoup. Mais ça c'est grâce au chatterbait qu'on a fait tous les trois. C'est vrai que ça a bien fonctionné. Vous écoutez le 6e épisode de Glovoque consacré au Laos. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être faire les présentations au cas où certains découvriraient ce podcast avec cet épisode. Alors même si vous l'avez déjà un petit peu entendu dans l'épisode, dans le reportage que nous a consacré GFM TV tout à l'heure, professeur Delax, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, dire qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie ? Bah, je m'appelle Delax, comme vous venez de le dire. Pardon, professeur 10130, c'est moi Delax. Mais quel enfer ! Ça commence bien. Alors, je suis le docteur 10130, kilo doctorant, c'est-à-dire que j'ai 1000 doctorats. Je suis très intelligent. Et comme je suis très intelligent, je m'ennuie rapidement. Et le Glovoque, finalement, c'est une manière de m'occuper l'esprit. D'accord. Et vous donc, mon cher, mon bel ami ? Eh bien, moi, mon nom, c'est donc le professeur Delax. Alors, je ne suis pas aussi intelligent que le professeur 10130, évidemment, hein, puisque moi, je suis toujours en train de faire ma thèse actuellement, et je fais ma thèse donc sur le Glovoque. Et c'est la raison pour laquelle nous avons et donc été envoyés tous les deux par l'Organisation Mondiale de la Santé sur les traces de cet animal mythique qui s'appelle le Glovoque, essayer de le chercher puisqu'il y aurait apparemment un intérêt pour la santé du monde entier. Et je ne parle pas seulement de la santé physique, je parle aussi bien sûr de la santé spirituelle de ce monde qui va mal. Bien sûr. Voilà. Et nous sommes donc également en compagnie de Maître Quentin. Alors Maître Quentin, on vous a déjà vu la dernière fois quand on a fait notre épisode en Norvège, vous étiez expatrié. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous faites ici au Laos avec nous ? Bien écoutez, donc je suis Maître Quentin, je suis maître en volcanologie et donc j'ai fait mes débuts à Clermont-Ferrand, mais j'ai été donc expulsé par notre cher maire Olivier Bianchi oui. Parce que j'avais décrété que le Puy-de-Dôme avait une âme. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'était ça le sujet de controverse. Exactement, donc ça n'a pas plu, si vous voulez, à la sphère clermontoise. Donc j'ai décidé d'aller en Norvège pour étudier un petit peu la volcanologie norvégienne. D'accord. Et je me suis rendu compte que finalement, il n'y en avait pas ou alors très très peu, donc je me suis dit allons au Laos, le Laos, pays de volcans. Ah bah oui, pays bien sûr, énormément de volcans. Quand on dit Laos, je dis volcan. Quand je dis Laos, vous dites volcan. Laos, volcan. Ok, donc, bah c'est super, pourquoi pas. Très bien. On va lancer ce podcast, alors c'est parti, si vous êtes prêts, allons-y. Allons-y. Nous sommes en direct ce soir pour Glovoque, en direct de Vientiane. Donc c'est un épisode spécial pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est la première fois qu'on utilise notre merveilleux tout nouveau setup où nous entendons la musique en direct, nous entendons nos voix, nos directs, c'est des choses folles. Mais c'est aussi la première fois qu'on fait un podcast sur une ancienne colonie française. Ah. Et ça n'était pas arrivé avant. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais moi pour faire mes recherches sur le Laos, j'ai un petit peu galéré. J'ai plus galéré que pour les autres pays qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ah bon ? Oui, parce que je sais pas en fait. Quand because communism. Because communism, because tout est fermé, tu vois. Non, mais j'ai galéré en fait parce que, je sais pas, tout a tellement été détruit pendant la guerre que du coup, il l'histoire du Laos qu'on trouve aujourd'hui, la documentation sur l'histoire du Laos, c'est beaucoup la guerre. Et il y a assez peu de choses qui sont relatives à la culture du Laos, ou alors c'est du tourisme en fait, soit le tourisme, soit exactement, la guerre. Voilà. C'est assez perturbant. C'est ce que j'allais dire en fait, moi aussi j'ai trouvé énormément de sites touristiques, et voilà, des petits commentaires de jeunes aventuriers européens qui sont partis dans ces terres reculées asiatiques. Mais c'est vrai qu'en termes d'histoire, c'est assez compliqué. Hein. Oui, on trouve pas grand-chose, hélas. 10130, un commentaire peut-être, je sais pas, non. Rien le à Laos, dire c'est génial. Ok, le Laos, c'est génial, merci. Un pays de 130 ethnies, une quinzaine de langues, un pays incroyable, assez petit, avec environ... Une quinzaine de langues, à peu près, ouais. Non, quand même beaucoup plus. Ah bah moi, je suis allé sur un site de linguistique qui recensait le nombre de langues qu'il y avait au Laos, et j'en ai compté une quinzaine. Et ils ont plus de 80 ethnies, quand même. 130. À 130. 130. Ouais, voilà. On ne sait pas faire des recherches sont très compliquées sur le Laos. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, quand j'ai essayé de faire des recherches sur le Laos, c'était soit la guerre, soit le tourisme. Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Merci, Dimitri 130, pour cette remarque pertinente. C'est ce qu'on se tue à dire. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié complètement de faire le... C'est pour ça que j'ai un conducteur, mais finalement, ça ne me sert à rien. J'ai pas annoncé le programme un petit peu de cette émission, de ce qu'on allait faire. Ah, le sommaire. Le sommaire de cette émission, parce que ça y est, maintenant, dans Glovoque, on évolue, il y a un sommaire. On va commencer avec... On est en train de se vendre. Bientôt, on aura des annonceurs. Les sponsors qui arrivent bientôt. N'hésitez pas à nous donner de l'argent, hein, les sponsors aussi. Buvez Pepsi. Les burgers de papa. On va commencer avec toi, Maître Quentin, et de quoi tu vas nous parler donc, tout à l'heure. Alors, bah, justement, je vais parler des traces qu'a laissé la colonie française au Laos, d'accord, et notamment sur l'architecture française au L'architecture française au Laos. Voilà. D'accord. Ensuite, on va enchaîner avec moi, qui vais vous parler d'un épisode de la guerre du Vietnam au Laos, et en particulier de... La CIA au Laos. Pourquoi cette voix d'un seul parce coup, que c'est un peu secret. La voix complotiste. Qu'a fait la CIA. Il faut le savoir. Mais c'est vrai qu'on va avoir un petit moment un peu complotiste où je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de correspondance entre les fantasmes complotistes aujourd'hui, notamment avec la guerre d'Irak, et ce qu'il s'est réellement passé historiquement au Laos. Les fantasmes complotistes, je ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce que je... La CIA. L'état profond. Et ensuite, on va terminer avec toi, 10130, qui va nous faire quoi ? Moi, je vais vous faire un géno-quiz. Un quiz donc de bon goût. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ce mot valise du géno-quiz ? Alors, le géno-quiz vient de deux mots, le mot quiz, ouais, et du mot génocide. D'accord, ça va être super sympa. Donc, je vais essayer de vous faire deviner qui, parmi les deux peuples que je vous aurais cités, est le génocideur et qui est le génocidé. Ça va être très drôle. D'accord, ok. Un programme vraiment bien, de qualité donc, pour ce premier épisode. Si vous écoutez Glovoque pour la première fois, vous allez adorer. Vraiment merveilleux. Bon alors, Maître Quentin, tu veux nous parler de l'architecture coloniale, la nostalgie coloniale du Laos. Alors, voilà. Alors, plus exactement, une nostalgie désavouée, en fait, hein, des colonies françaises, puisqu'il faut savoir que le Laos a été sous le protectorat français. Alors, j'aime beaucoup ce mot, le protectorat français. Voilà. C'est-à-dire que voilà, la France a protégé le Laos d'une menace étrangère certaine. Et il faut savoir que, bien sûr, la France a laissé des traces, et ce notamment dans l'architecture. Et il faut savoir que dans plusieurs villes, notamment dans la ville de Luang Prabang, si je le dis bien. Tu le dis probablement très bien. Luang Prabang, voilà. Une petite touche de racisme, ne fait du mal à personne. Donc, c'est pas du racisme, c'est beaucoup plus méchant que ça. Donc voilà, il faut savoir en fait que l'architecture française donc est arrivée au Laos et a su se marier avec l'architecture traditionnelle. C'est-à-dire qu'on peut retrouver par exemple des écoles de la République française combinées à une architecture en bois avec des toitures en système de pagode, etc. Okay. Donc c'est assez joli à voir finalement. Mais il y a quand même une petite trace comme ça qui reste au Laos. C'est assez proche de l'architecture afro-brésilienne en fait. C'est que sur les côtes, mais oui, tu vois pas trop. Parce qu'en fait, l'hybridation en architecture, c'est comme ça que l'essentiel de l'architecture fonctionne. Hein. Les choses se mélangent depuis des siècles. Et sur les côtes de l'Afrique, notamment au Bénin, Togo, Ghana, etc., où il y a eu pas mal d'immigration vers le Brésil, il y a eu des retours. Comme ça, où on mélange l'architecture coloniale, le style brésilien, le style africain, et ça donne des choses assez chouettes, mais en même temps assez perturbantes parfois. Oui, une sorte de métissage architectural. Oui, c'est vrai. C'est mais perturbante pourquoi ? Je comprends pas. Voilà. C'est perturbant. Parce qu'en fait, les choses ne sont pas sur n'ont pas les proportions qu'elles devraient avoir, ou n'ont pas. Enfin, c'est juste. Tu vois bien qu'il y a que c'est un peu bâtard, en fait, comme forme. D'accord. Mais c'est ça qui fait le charme c'est ça qui fait le charme du c'est le charme de l'architecture, évidemment le métissage, mais en même temps tu vois bien que si tu mélanges une colonne corinthienne avec une toiture en paille, ça marche pas des masses, mais pourtant on trouve des choses comme ça. Parce que oui. Précisons quand même pour les auditeurs qui ne le sauraient pas que tu es en train actuellement de passer un doctorat en architecture. Mais bien sûr, voilà, évidemment. Le 1001e absolument. Doctorat. True story. Donc, pour continuer, il faut savoir que je suis tombé sur un site internet, un site en fait, qui référence un collectif de sauvegarde de l'architecture coloniale. Et ce site s'appelle belindochine.fr. D'accord. Voilà, ils sont chauds. Réellement. Indochine française, monsieur. Un site qui a été fait, à mon avis, dans les années 2000, puisqu'en fait, à mon avis, c'est des vieux quinquagénaires un petit peu nostalgique de cette belle époque. Et donc, c'est un site qui référence des photos d'architecture française avec des commentaires en dessous. Par exemple, regardez cette école qui doit être sûrement squattée aujourd'hui. Tout ça, il y a des fresques incroyables, des fresques coloniales qui sont en train de dépérir. D'accord. Mon Dieu, mais quelle horreur. Et donc là, je parle de langue Prabang. Mais voilà. Alors attends, parce que moi, j'ai l'impression quand même que c'est pas tout à fait objectif ce que tu es en train de nous dire. J'ai l'impression que tu es en train de critiquer le colonialisme français. Jamais. Mais enfin, c'est-à-dire que en fait, mais ce serait une question à poser pour le coup à quelqu'un qui vient du Laos ou quelqu'un qui vient d'un ancien pays colonisé, n'est-ce pas ? Est-ce que on peut trouver une valeur architecturale forte aux édifices coloniaux et est-ce qu'ils seraient à préserver ou non ? Alors là, la question, parce qu'il faut savoir que la ville de Luang Prabang est classée à l'UNESCO et donc voilà. Il y a une aide à la rénovation pour ces édifices-là. Donc c'est bien qu'il y a une volonté déjà mondiale de préserver quand même cette architecture. Mais oui, c'est comme les arènes de Lutèce à Paris. Oui. Par les Romains. Ouais, mais on parle d'une colonisation qui est quand même pas. C'est pas la colonisation moderne. Quoi. Ouais, non, mais tout le monde s'excite sur la colonisation moderne, mais faut arrêter à un moment. Les peuples se colonisent depuis longtemps, se massacrent depuis longtemps. C'est très triste et c'est très dommage, mais c'est le jeu. D'accord. Fallait qu'elle soit puissante, les amis. Fallait être plus fort. Fallait être plus fort, c'est tout. Et je tenais à vous lire un commentaire que je tiens que à présenter mes excuses à tous ceux qui sont colonisés. Et qui le podcast se désolidarise complètement de ce que vient de dire 1130. J'ai trouvé en fait un commentaire de touristes d'une trentaine d'années, je pense, qui sont revenus du Laos et qui ont écrit. Alors, je vais vous le lire tel quel et on va faire les commentaires après. D'accord. Alors, c'est parti. Ancienne ville coloniale française au Laos, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une ville douce, agréable, romantique à souhait, où il fait bon flâner. Un coup sur le bord du Mékong pour aller voir les artisans locaux et le superbe coucher de soleil. Un coup dans les ruelles, histoire d'aller manger à la « entre guillemets soupe populaire locale ». Lieu de rencontre des Laotiens et des Occidentaux. Entre parenthèses. D'accord. Ça baise là-bas ? Entre parenthèses, pas cher, copieux et bon. Ah. Si puis de finir aux marches aux multiples couleurs chatoyantes à côté du temple royal. Enfin, levé tôt le matin pour assister à la procession des moines pour les offrandes. De simples moments de bonheur dans cette ville qui a été un petit joyau pour nous. Alors, cette phrase, cette ville qui a été un petit joyau pour nous, est-ce ouais, que c'est sûr. Un petit joyau Je pour vois. L'État français ou n'est-ce pas pour ces touristes, n'est-ce pas? Non, voilà. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce commentaire. Attends, il date de quand ? Mais tu l'as trouvé où, ce commentaire ? Sur le net, sur le dark sur web. Internet, sur le dark web. Tu es allé pour nous sur le dark web. J'ai craqué. D'accord. Non, mais voilà, simplement pour voir que le Laos est devenu une station touristique où il fait bon aller, ouais. Voilà, où la légèreté flâne, comme si on avait oublié un peu tous ces conflits, toute cette colonisation, pardon. Mais c'est pas non plus le Cambodge. C'est pas aussi populaire que le Cambodge. Je sais pas. Je pense pas. Ouais, parce qu'en fait, on est sur le Laos, c'est un pays assez touristique, mais finalement pas tant que ça par rapport à d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Ouais. J'ai écouté un podcast du coup pour faire cette émission, je l'ai pas écouté en entier. C'est l'Anthropodcast, c'est toi qui m'as fait. Ah, mais j'adore ce podcast. Voilà, j'aime beaucoup ce garçon. Et j'ai pas du tout aimé son podcast sur le Laos. Déjà parce qu'il critique le communisme de manière très virulente, et je trouve que c'est pas gentil. Ouais. Et ensuite, parce que je sais pas, je trouve qu'il avait un rapport un peu vraiment de touriste justement à ça, quoi. Le côté, il déplorait que maintenant ce soit. Non, mais pas... oui, mais c'est ça, que les routes soient mal faites, que c'est pas très bien pour les touristes, que les temples c'est quand même un peu du toc, tu vois. Il y avait un peu, et je retrouve un peu de ça dans le commentaire. Que... Après, en dehors de ça, l'Anthropodcast est un bon podcast. Je veux pas commencer direct à clasher des podcasts, c'est pas ça le but, mais bon, là, l'angle était un petit peu bizarre de ce que j'ai entendu en tout cas. Et justement, il y a un paradoxe en fait par rapport à cette ville qui est Luang Prabang, c'est que vu que c'est une ville qui est soutenue par l'UNESCO, c'est une ville qui s'enrichit par le tourisme, etc. Ah oui. Mais ce qui attire le touriste, c'est surtout le côté, comment je pourrais dire, authentique, original de la ville. Ouais. Et c'est pas du tout le délire des Laotiens. C'est-à-dire que eux, ils ont cet argent. Mais ils veulent étendre la ville, ils veulent des usines, ils veulent des entreprises, des choses comme ça. Et du coup, on perd ce côté authentique. Ils veulent du capitalisme. Exactement, et c'est ce qui marche. Et du coup, on perd ce côté authentique, et du coup, les touristes ne viennent moins, etc. Vous comprenez ? D'accord, c'est le cercle vicieux. Donc vous avez le centre-ville de Luang Prabang qui est très... Excusez-moi. Le centre-ville qui est très touristique, qui est très authentique, tout ça. Les gens, même les habitants jouent une espèce de rôle. C'est-à-dire qu'il y en a même qui s'habillent encore de façon coutumière, si je puis dire. Donc il y a toute une espèce de théâtralisation en fait, de la vie laotienne, comme à l'époque, comme les touristes européens veulent le voir. Et à côté de ça, en fait, il y a une expansion qui se fait un peu dans le dos du tourisme. Ouais. Et si vous sortez un petit peu de Luang Prabang, vous retrouvez tout un bordel. Mais ça, c'est un problème commun à toutes les grandes villes touristiques, j'ai l'impression. Bali, c'est pareil, c'est complètement artificiel. C'est une tradition artificielle, en fait. Exactement. Qui est censée juste ramener des touristes, ramener de l'argent. Et je sais pas, moi, je parmi mes longs voyages, je reviens en ce moment d'Inde. Bien sûr. Et pour la première fois, j'ai été en Inde pour voir ce dont tout le monde parle. Oh là là, les gens, ils sont pauvres, mais ils vivent avec le sourire et tout. Non, c'est pas vrai. Les gens sont pauvres, ils galèrent, ils souffrent beaucoup. Et ils veulent t'escroquer parce qu'ils voient que tu as beaucoup d'argent. Ça, c'est la première chose à dire. La seconde, c'est qu'effectivement, il y a énormément de... On était en plus à Goa, très touristique. Très touristique, hein. J'avais l'impression qu'il n'y avait que des petits magasins de touristes partout. Ouais. Et tu pouvais acheter des petits souvenirs, mais des souvenirs chinois. Et ça, c'est aussi très perturbant dans l'économie. Tu te dis, bon, je vais acheter un truc artisanal, mais ce n'est pas un vrai truc artisanal, quoi. Tu ne sais pas dans quelle mesure ces trucs sont vraiment faits par des petites mains, mais en même temps, est-ce que tu as vraiment envie d'un truc artisanal fait par des gamins ? Bon, globalement, il faut juste abolir le tourisme à un moment. Si on veut sauver la planète. Bien sûr. Mais moi, comme je m'en fous un peu de la planète, je dis voyager, faites du tourisme et donnez de l'argent aux pauvres. D'accord. Mais c'est ça, en fait, maintenant, il y a deux écoles de touristes, hein, si vous voulez. En fait, il y a plusieurs générations. Il y a eu la génération de nos parents, même grands-parents, qui voulaient du tourisme dans les bus, tout ça, faire des tours comme ça, et voir des choses typiques, voir des choses originales. Et maintenant, il y a plus cette génération du backpacking où on part... Il y a plus cette génération du backpacking, tu dis ? Il y a plus. Ah, il y a plus. Cette génération du backpacking où on part comme ça avec sa fiancée dans un vieux van, et puis on fait un peu le tour. Mais on a à quand vélo, même... À vélo, à vélo. On a fait le tour de l'Inde à vélo. Oh. Non, j'ai pas fait ça. Mais, ça. Mais maintenant, c'est non, ça. Mais oui, ça se fait ça. Et ces gens, quand même, qui viennent souvent de France, d'Allemagne, etc., ils ont besoin quand même de ce côté original. Ils veulent voir des temples jolis. Ils veulent pas voir des mecs qui vendent des trucs à la sauvette, qui vendent des vieux porte-clés de merde. Pour se sentir encore plus citoyen du monde. Exactement, voilà. Et puis, probablement aussi pour reproduire un imaginaire colonial qu'ils ont depuis fort longtemps. Bien sûr. Mais voilà, mais il faut le dire. Mais oui ça, l'appel à l'aventure. Mais c'est terrible. Hein. Moi, je suis allé en Inde et venant d'un pays sous-développé à la base, moi-même, j'ai pas été si choqué que ça, en fait. Tout m'a paru, bon, c'est à peu près aussi sale que l'Afrique, quoi. Bon, ça va. Mais ils ont... les Européens qui y vont, on a l'impression qu'ils découvrent que le monde est pauvre, en fait. Ouais. Et ça, moi, ça a tendance à m'énerver un peu. On vit dans nos privilèges, et même si on ne s'en rend pas compte, on vit dedans, et c'est plutôt pas mal. J'adore être un garçon privilégié. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Mmh. Je sais pas. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais du coup, le fait qu'ils se rendent compte que c'est pauvre, que c'est sale, machin, tout ça, ça les fait grandir aussi humainement. Tu vois, ils rentrent chez eux. Mon Dieu, mais les gens sont dans une détresse économique. Mais est-ce que ça les fait vraiment grandir, tu penses? Ou est-ce que je pense que c'est juste un côté, oh là là, moi j'ai vu ça. Ouais. Moi, je suis revenu de cet enfer, là, l'horreur. J'ai survécu au Laos. Franchement, ouais, je suis pas sûr que, enfin, si probablement qu'il y en a plein que ça fait, réfléchir. Ça fait, ouais, mais sur le moment, après tu rentres chez toi, tu te mets Netflix et tu t'allonges et tu te mets bien. Ouais. Franchement, globalement. On a tous les mêmes expériences. Quand tu reviens, tu travailles. Tu y étais en vacances. Ouais. Quand tu reviens, tu remets en jeu ton argent, ton énergie dans l'économie pour encore plus exploiter les gens. Et si de l'autre côté, ils essaient de t'exploiter, bah, c'est de bonne guerre. C'est bon. Oui, mais c'est sûr. On ne peut pas les blâmer pour ça. C'est clair. Hein, les mecs, ils prennent de l'argent là où il y en a. Mais du coup, ils creusent un peu plus leur tombe touristique avec ce truc-là. Quoi. C'est sûr que plus ils font ça, et moins les touristes vont arriver, tout simplement. Ok. Bah, écoute, c'est très intéressant d'avoir eu ce retour d'un expert en tourisme tel que toi, maître Quentin. Je pense qu'on va en parler de plus en plus du tourisme, de ton expérience et de ce rapport que nous, en tant qu'occidentaux, c'était ça aussi le principe de Globoc à la base, c'était de voir les pays au-delà du tourisme. Ouais. Mais c'est vrai qu'un pays comme le Laos, comme on n'a que la guerre ou le tourisme, ouais, on est un peu obligé de parler du tourisme. On n'en a pas parlé jusqu'à présent dans Globoc. Je suis content que pour Globoc 1.0, on ait commencé par le sujet des sujets, le sujet du tourisme. Et donc, comme au Laos, on ne peut parler que du tourisme ou de la guerre, il est maintenant temps de parler de la guerre. Alors, j'adore la guerre, déjà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Pentagon Papers? Forcément, vous avez entendu parler des Pentagon Papers. J'ai vu le feuilleton. Ah, ouais. Tu as vu le film. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, Madame Graham? Ok, j'ai pas la ref parce que je l'ai pas vu, mais c'est dans le trailer, oh. Je regarde pas les trailers. Mais tout le monde l'a vu. Ben non, je suis désolé. T'as YouTube, bordel. Je me fais une culture. Hein. Non, mais alors, donc les Pentagon Papers. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce que c'était les Pentagon Papers? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé autour des Pentagon Papers? Pardon, hein. Vous nous entendez bien là? Donc selon Meryl Streep. Et Tom Hanks, les Pentagon Papers sont des dossiers secrets de la CIA sur la guerre du Vietnam. Absolument. Qui ont fuité, alors qu'ont été volés en fait à la CIA, et du coup qu'ont fuité dans quel journal? Attends, c'était quoi? C'était le Washington Post. Ouais, c'était le Washington Post, exactement. Ouais. Voilà, et donc en fait, du coup, ils ont eu des pressions parce qu'il fallait pas qu'ils le sortent. Enfin, les politiques ont instauré plein de pressions. Voilà, donc c'était le danger en fait du journal. Mais du coup, voilà, la volonté de faire jaillir la vérité a surpassé cette espèce de peur de fermer le journal pour de bon. Et du coup, ils ont fait quelque chose de cool. Et les gens se sont rendus compte que la guerre du Vietnam, c'était c'est de la vraiment merde. Pas bien. C'était pas sympa. Non, non. On a tué des gens pendant la guerre. Oh, quelle tragédie. Oh là là, arrête d'ironiser sur la guerre. Non, c'était pas à propos de ça, les Pentagon Papers. C'était à propos, en fait, du fait que les politiques savaient que la guerre était perdue, mais ils ont envoyé quand même des troupes pour garder le moral américain. Mais on a appris d'autres trucs dans les Pentagon Papers, et notamment, on a appris énormément de choses sur le Laos. Alors, c'est de ça que je vais vous parler, donc, pendant ma petite rubrique sur le Rolling Thunder et sur... je le fais bien. Et sur la place qu'a occupée la CIA au Laos pendant la guerre du Vietnam. Rolling Thunder, on dirait un peu un nom de manège à Disneyland, je trouve. Alors, en fait, c'était l'opération qui consistait à bombarder absolument tout le Laos pendant 4 ans. Voilà, c'était ça oula, le truc. Oulala. Attention, hein, y a des gens qui peuvent être vexés. Mais bon, regarde pas avec ses yeux noirs quand il me dit ça. C'était une vanne. C'était une putain de vanne. Bon, alors, pour commencer, je vais vous faire un petit peu d'histoire. Donc, je vais déjà passer sur la période coloniale française parce que déjà, je l'ai pas très très bien étudiée. Et puis, on l'assume pas. Hein. Et puis voilà, on ne va pas se culpabiliser. On va pas se tirer des balles dans le pied non plus. On n'est pas là pour ça. On va plutôt faire comme d'habitude, c'est-à-dire reporter notre culpabilité sur les Américains. Ça, on adore faire ça. C'est merveilleux. Alors. Comment, à quoi ressemble le Laos à la fin des années 50? Donc, il y a déjà eu la première guerre du Vietnam, qui est finalement la première guerre, enfin la guerre d'Indochine française. Et donc, la situation du Laos, donc je ne sais pas si les auditeurs voient bien où c'est le Laos, mais c'est donc en Asie du Sud-Est. Au nord, il y a le Vietnam, en dessous, il y a le Cambodge. Et c'est le seul pays d'Asie du Sud-Est qui n'a pas du tout d'accès à la mer. Du coup, il est vraiment coincé entre, du coup, au nord, les communistes, avec la Chine et le Vietnam du Nord qui avait été du coup pris par les communistes, et au sud, les alliés plutôt américains. Donc, il y a cette situation telle qu'elle est comme ça. Et les Américains, évidemment, veulent faire de l'ingérence à ce moment-là, parce que c'est le contexte de la guerre froide, donc ils ne veulent surtout pas que le Laos devienne communiste comme les autres pays voisins. Quel enfer, c'est l'horreur. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de l'ingérence. Ils vont financer le budget militaire laotien à 100%. Hein. On ne fait pas les choses à moitié quand on est américain. Ils donnent des armes également aux opposants politiques. Alors à ce moment-là, il y a une sorte de consensus au Laos. Le pays est plutôt neutre politiquement, mais quand même au Parlement, il y a des dissensions entre les conservateurs, les neutres et les communistes. Et bien sûr, les Américains vont faire plusieurs tentatives de déstabilisation du pays pour justifier une intervention. Bon. Et donc au début des années 60, leur stratégie fonctionne et c'est le début de la guerre civile entre des conservateurs laotiens à qui ils ont donné des armes et des communistes et bien sûr aussi le gouvernement laotien qui lui est plutôt neutre politiquement, qui ne veut pas se prononcer. Bon, c'est le bordel à ce moment-là, c'est le bordel, les Russes ne savent pas quoi faire, les Américains ils sont foutus dans ce merdier mais ils ne sont pas non plus sûrs exactement de ce qu'ils veulent faire, donc les Russes et les Américains se mettent d'accord pour que le Laos reste un espace politique neutre, qu'il n'y ait pas la guerre au Laos. Vous vous dites bien que ça ne va pas fonctionner comme ça. Ça ne jamais. Alors, les Américains, ils aiment bien faire un truc quand ils veulent aller faire la guerre quelque part, on l'a vu avec la guerre en Irak, ils inventent des fausses preuves. D'armes, évidemment. Évidemment. Et donc là, ils ont. Alors, c'était Kennedy, hein, ce sacré Kennedy qu'on désigne toujours comme le président américain super gentil. Le Macron américain. Maintenant, mais c'est grave. Plus le Kennedy français, c'est le Macron américain, Kennedy. Et donc, sur la base de fausses preuves d'une présence militaire communiste en Indochine, Kennedy, il envoie des bateaux sur les côtes et il autorise la CIA à entrer dans le pays. La CIA. Et ils établissent. Et ils établissent une base, en fait, une base militaire à Longcheng, une base qui est encore à ce moment-là clandestine. On ne sait pas qu'elle existe, mais les Américains envoient quand même des gens là-bas. Et en fait, c'est là où je trouve que c'est rigolo, puisque toute l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Si vous mettez à la place du Laos l'Irak et si vous mettez à la place du peuple dont je vais parler les islamistes, c'est à peu près le discours complotiste qui existe aujourd'hui à propos de l'Irak et de la Syrie. Donc c'est vraiment le complot américain, les Américains qui vas-y, arrivent. Vas-y, balance ta valda. Ça va me plaire. Merci. Donc la CIA crée son armée. La CIA crée son armée à ce moment-là et crée une base au Laos dans la région du Longcheng et il recrute des Hmong. Ça s'écrit H-M-O-N-G. Donc je ne sais pas si ça se dit Hmong ou Hmong ou des Hmong. Pardon. des Hmong. Les Hmong, c'est un peuple des montagnes qui ont beaucoup de problèmes avec les Vietnamiens. Ils détestent les Vietnamiens, notamment parce que les Hmong ont participé également à la guerre d'Indochine, la première guerre d'Indochine du côté des Français. Voilà, franchement, les mecs n'avaient pas le pif. À ce moment-là. Vraiment, les Hmong, on peut dire ce qu'on veut, c'est mal foutu, quoi. Non, mais c'est vrai qu'en plus, les Hmong, ils sont chouettes. Comment on dit chouette en anglais? On dit hall, mongol. Comment ça? On dit pas hall du tout pour dire chouette. Mais si, un hibou, une chouette, c'est hall. Ah, ça fait mongol. C'était une blague de Maître Quentin. On vous remercie d'être toujours avec Merci nous. Merci à vous sur Glovok. À très bientôt pour Guignol une nouvelle émission. Bienvenue. Non, alors donc. Avec Guignol. Donc, les Hmongs. Donc, ils commencent à recruter des Hmongs. Alors, au début, ils leur demandent gentiment hein, s'ils veulent venir avec eux. Et notamment avec un mec qui s'appelle Wang Pao, qui est un leader Hmong, un leader militaire qui est extrêmement cruel, qui bute des gens, voilà, qui est vraiment très, très méchant. Et du coup, ils le recrutent pour créer leur petite armée au sein même du territoire du Laos. Et ils prétendent être présents sur le territoire pour des raisons humanitaires. Oh. Bien sûr, ils veulent sauver le monde et ils veulent apporter la démocratie. Parce que c'est important, la démocratie, quand même. Comme les espions de Médecins sans frontières. Pardon. Et qu'est-ce que c'est ? Parce que du coup, à ce moment-là, ouais, le Vietnam, c'est une monarchie constitutionnelle. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une monarchie constitutionnelle. Donc, pour l'instant, ce n'est pas trop la démocratie, tu vois, ça ne va pas. Donc, ils veulent développer, ils vont faire une aide au développement pour le Laos. Ils vont être gentils. Ça, c'est gentil. Et donc, ils vont créer une compagnie aérienne, America Airlines, qui va amener des vivres et du matériel pour les Laotiens, pour les petits Laotiens qui sont en train de mourir de faim. Ils vont leur envoyer tout ça. Oh, très bien. Je suis beaucoup trop gentil. Bon, plot twist. Plot twist, en fait, tout ce qu'ils envoient avec American Airlines n'arrive absolument jamais aux Laotiens. C'est les bagagistes. Puisque tout arrive directement dans leur base militaire. Ah, et donc, merde. Tout ça, toute la bouffe, tout le matériel arrive pour alimenter leur base militaire. Et en quelques mois, la base militaire devient la deuxième plus grande ville du Laos. Oh là là. Voilà, c'est très important. Ils envoient des avions et tout. En gros, et parce qu'ils ne sont pas nombreux. En plus, au Laos, il y a 6 millions d'habitants. Oui, il y a 6 millions en tout. À l'époque, je pense qu'il y en avait en plus encore moins. Donc, ouais, ça devait vraiment pas être la folie. Voilà. Et à la base, oui, quelques années plus tard, donc en 64, le président Johnson lance la guerre, encore une fois, sur la base d'une fake news. voilà, parce qu'il faut toujours une petite fake news pour fonctionner le truc. Et en fait, du coup, ils recrutent leurs armées, leurs soldats parmi les Hmongs. Et dans la guerre du Vietnam, ils fonctionnent avec les Hmongs un petit peu comme ils fonctionnent aujourd'hui en Irak avec les Kurdes. C'est-à-dire que c'est la première fois aussi qu'ils utilisent les avions pour des bombardements ciblés. C'est un peu le fonctionnement de la guerre du 21e siècle. En fait, ils expérimentent un petit peu les nouvelles manières de faire la guerre. C'est les pré-drones, quelque part. C'est un peu les pré-drones. Et ils fonctionnent comme avec les Kurdes. Donc, les Kurdes, aujourd'hui, ils sont sur le terrain en Irak et ils disent aux Américains ce qu'ils voient dans la pampa triste. Et les Américains balancent des bombes dessus avec leurs avions. Et donc là, ça fonctionne un peu de la même façon. C'est le bruit d'une bombe. Ah ! De plusieurs. Ah, c'était plusieurs bombes. Bim, bim, bim, bim, bim. Tu crois vraiment que ça fait bim ? Non, moi, je sais pas. Je n'ai pas souvenir d'un bim. Je pense que ça fait. La mort. Bienvenue à tous pour cette émission de Glovox, c'est la bonne ambiance. Alors, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Vas-y, fais les bruitages, toi. Faites les bruitages de la guerre. Et. Mao. Alors, au Laos, c'est raciste, ça. Au Laos, il y a quelque chose qui s'appelle la piste Ho Chi Minh. Alors, Ho Chi Minh, vous savez, ce fameux leader vietnamien communiste hein, qui a fait la guerre aux Français et qui ensuite qui fait la guerre, défoncé. Qui les a bien défoncés. Mon grand-père m'en a beaucoup parlé, Ho Chi Minh. Il est mort tué par Ho Chi Minh ? Ah non, mon grand-père, il va très bien. Il regarde Julien Lepers tous les soirs. Il est incollable sur toutes les questions de notre vie. Alors, du coup, il y a la piste Ho Chi Minh. Alors, c'est quoi la piste Ho Chi Minh, messieurs ? Parce que je vois que ça vous intéresse. La piste Ho Chi Minh, c'est ce qui relie le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Donc, c'est-à-dire que les révolutionnaires du Nord vont envoyer des armes et des vivres aux révolutionnaires du Sud, qui sont peu nombreux. Et donc, le but des Américains, ça va être de couper cette ligne-là qui passe par le Laos. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir couper cette ligne-là ? Eh bien, ils vont bombarder allègrement absolument tout le territoire. Mais bien sûr. Et notamment la vallée des urnes, c'est ça ? Je sais plus ce que c'est. C'est la vallée des urnes ou des jarres, un truc comme ça. Vous voyez ça, la vallée des jarres ? Non, pas vraiment. La vallée des jarres, c'est un truc qui est au milieu du Laos et c'est une grande plaine de 1000 km² où il y a des vases qui sont là depuis, on ne sait pas exactement, de moins de 1000 à 800 après Jésus-Christ. Ah, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils ont été faits. Un truc important quand même. Un truc important, et c'est des jarres de 5 tonnes, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui a fait ça. D'accord. Les gens là-bas, je crois, disent que c'était comme ça que les dieux portaient, ou les géants peut-être portaient l'eau, ou les vivres comme ça. Voilà. Mais en tout cas, il y a énormément de jarres qui sont foutues sur 1000 km². Patrimoine mondial de l'UNESCO ? Je pense. C'est toujours d'existence ou les Américains l'ont bombardé ? Alors, c'est toujours d'existence, sauf qu'effectivement, les Américains l'ont bombardé, donc du coup, il n'y a plus beaucoup de jarres, et en plus, il y a plein de bombes qui n'ont pas explosé, donc c'est très difficile d'accès parce qu'à tout moment tu peux y aller et te faire exploser la gueule par une bombe qui date de la guerre du Vietnam. Hashtag Palmyra. Ah mais c'est vrai ça ? Mais bien sûr. Il y a des mines et tout encore parmi bien les sûr, jarres. Bien sûr. Et alors c'est pas juste qu'il y a eu quelques bombes comme ça. Hein. C'est donc ça l'opération Rolling Thunder. C'est que il y y a eu un bombardement toutes les un bombardement toutes les 8 minutes pendant 4 ans. Pendant 4 ans, il y a eu en moyenne un bombardement toutes les 8 minutes. Mais ça a dû coûter un argent fou, ça. Ça a coûté énormément d'argent, mais la guerre coûte cher, de toute façon, tu sais bien. Et mais ça rapporte beaucoup plus. Et du coup, il y a énormément de gens qui sont morts, on ne sait même pas. Mais il reste quelque chose encore? Il y a de la terre à cultiver là-bas? Il n'y avait plus de rizière, il n'y avait plus rien, c'était mon la merde totale. D'accord. C'était l'horreur. Et c'est tu ça... veux dire que c'était un génocide? C'était peut-être c'était un génocouiz. Un génocouiz. Bonne humeur d'Anglovoc pendant qu'on parle de bombardement. Alors, tu n'y arriveras jamais. Tu ne termineras jamais ton sujet. La guerre, j'y suis. C'est beaucoup trop triste. J'arrive sur la on fin. On n'a pas envie j'arrive de sur la ça. Fin. Mais non, mais c'est parce qu'on ne sait pas en fait. Et justement, ça, ça a été révélé dans les Pentagon Papers. On ne savait pas que les Américains avaient autant bombardé le Laos. On pensait que ça s'était passé principalement au Nord-Vietnam. Mais non, le Laos a pris extrêmement cher. Et les gens n'étaient pas au courant. Et moi-même, avant de faire ce dossier, je n'étais pas au courant que ça avait été aussi violent pour le Laos, tout ce qui s'était passé. Donc voilà, un bombardement toutes les 8 minutes pendant 4 ans. C'est pas mal. Hein. Et comme si ça ne suffisait pas, les ressources en nourriture ont été évidemment détruites et les Américains négocient de la bouffe. Donc ils veulent donner de la bouffe au peuple, au village qui essaie de survivre. Encore, moi je leur ferais pas confiance. Mais sur ce en échange de quoi? En échange que les villages leur donnent tous les enfants qui ont plus de 14 ans pour qu'ils aillent aussi se battre à la guerre. Mais oui, mais bien sûr. C'est pas vrai. C'est bien sûr que c'est vrai. Ils ont enrôlé des enfants ils soldats. Ils ont enrôlé des enfants soldats. Mais c'est toujours plus mais avec oui, ces Américains. Mais en fait, c'est ça que je trouve fou avec cet épisode, c'est que c'est jamais. Incroyable. Et attention, parce que ça ne s'arrête pas là. Parce que à partir du moment où les villages n'avaient plus d'enfants à envoyer pour faire la guerre, ils ont commencé à envoyer des femmes et des vieux. Non, ils ont pas envoyé des femmes et des vieux, mais ils n'avaient plus de bouffe et ils étaient obligés de se démerder avec les Américains parce que c'était les seuls à avoir de la bouffe. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir comme monnaie d'échange contre les Américains? À votre avis, le quiz, Géno quiz, qu'est-ce qu'ils pouvaient... dollars? Non, pas des dollars. Des grenades? Non, pas des grenades. Je sais pas, des. Des mines antipersonnelles. Le que... pucelage des filles. Non. Du sel. Non. Mais il y avait, bon vieux temps. Attention, un petit indice qui va peut-être vous mettre sur la voie. Il y avait environ 20% de soldats américains qui étaient héroïnomanes pendant la guerre du Vietnam. Oh, ça c'est vraiment pas sympa. De l'opium. Et voilà, donc ils cultivaient de l'opium et ils l'échangeaient contre du riz pour que les soldats puissent défoncer leur famille, complètement défoncée. Voilà. Bienvenue dans le 20e siècle. Ah mais oui, mais ça par contre, je crois que c'est aussi arrivé au Vietnam, non? Oui, mais l'opium est très cultivé aussi au Vietnam, au Laos, même au Cambodge, je crois. Toute l'Indochine, toute l'ancienne Indochine est très... bon, très droguée. Voilà. Pour conclure un petit peu comment on peut faire confiance à ces gens qui cultivaient de l'opium et qui étaient sûrement drogués? Franchement. Mais il y a plein de films comme ça, du coup, d'anciens américains. Moi, je pense que tout ça, c'est de la parano. Ouais, sans doute. Ouais. Non, je mais. Je crois pas du tout. Il y a plein de complot. Films. Complot. Complot. Oh. Il y a plein de films des années 80 comme ça, là, de. Il y a plein de films. Il y a plein de. Ferme bien ta Pardon. Gueule. Non, mais non. Tu sais, c'est le premier émission. On était censé être beaucoup plus calme, que les gens comprennent ce qui se passe. Mais les gens comprennent. Vraiment? Mais oui, les gens Dites-nous en commentaire sur Facebook si vous comprenez ce qu'on raconte. Vas-y, quand t'as dit ce que t'avais à dire. Mais non, mais maintenant ça n'a plus aucune saveur. Mais si, vas-y, on t'écoute. Mais non, mais c'est quoi ce film? Raconte ta blague 3 minutes plus tard. Ouais. C'est très, très drôle. Apocalypse Now, par exemple. Vous avez déjà vu Apocalypse Now? Bah oui, mais ça... Voyage au bout de l'enfer, tous ces trucs-là. Bah oui. Platoon. Platoon, exactement. Voilà, c'est bien des Full Metal Jacket. Ferme-la, je suis en train de parler, putain. Zero Dark Thirty. Non. American Sniper. Hashtag JPP de Delac. Oui. Non, mais vas-y, va au bout. Mais non, mais putain, il y a plein de films comme ça avec des Américains drogués. Walter Red Center. Bon, écoutez, je vais reprendre en main ce dossier. Ouais, là, ça part complètement en burne. C'est Fight Club. Mais oh ta là gueule, là mais là putain, mais je suis donc bébé. Toujours est-il que les Américains perdent, les Américains perdent la guerre malgré tout, et les communistes gagnent au Vietnam. Fuck yeah. Non seulement les communistes gagnent au Vietnam, mais en plus ils gagnent au Laos. Et donc. C'est important de faire un bruit de fond. Mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi cultiver les gens. Vous voyez bien que mais je fais tout ce que je peux. Mais tout le monde s'en bat les couilles. Mais non, on s'en bien fout sûr pas. Que non, c'est voilà la guerre. Voilà ce qui s'est passé. Je vais résumer l'histoire de l'Axe. En gros, les Américains ont toujours été des fils de pute. On n'était pas au courant. Maintenant, on le sait. Et le Laos en a chié. Maintenant, oui. Est-ce qu'on peut passer au Géno quiz? Attends, j'ai pas tout à fait fini. Deux minutes. J'ai pas tout à fait fini. Juste, en fait, bon, les Américains ont perdu la guerre, mais du coup, les Hmong sont restés là. En fait, ces gens-là qui s'étaient battus pour les Français et puis pour les Américains. Alors, il y en a une grosse partie qui est partie aux États-Unis quand même. Il y a la plus grosse communauté Hmong du monde, je crois, est aux États-Unis et ensuite au Laos. Mais hashtag Grand Torino. Hashtag Grand Torino, tout à fait. Bien sûr. Et je crois, enfin, il y en a toujours en fait des Hmongs aujourd'hui qui sont qui continuent à mener la guérilla contre le gouvernement laotien. Donc il y a aujourd'hui encore des mecs qui sont dans la forêt, dans la jungle laotienne, et qui sont avec leurs armes, où ils n'ont plus de balles, ils n'ont plus rien, ils sont en train de crever de faim. Et ils sont toujours en train 30 ans plus tard. Okay. Mais attends, ils sont au courant mais ils que sont la guerre est terminée. Mais ils savent. Et le problème, c'est que maintenant, notamment les Vietnamiens et évidemment les Laotiens sont en colère contre eux, et donc ils veulent leur péter la gueule. Et pendant ce temps-là, on a Gaëtan et Juliette qui écrivent ancienne ville coloniale française au Laos, inscrite au patrimoine. Il est bon de flâner. Mais mon Dieu, mais quel enfer. Et du coup, là, sur les Hmongs, il y a un documentaire qui a été fait par Envoyé Spécial en France en 2005, qui a fait date un petit peu dans l'histoire de ces gens-là, parce qu'ils sont toujours en train de galérer dans la forêt. Et je vais vous lire une lettre qu'ils ont transmise aux journalistes d'Envoyé Spécial. Attention, c'est important. Lettre importante. Une lettre importante qui date de 2005. Alors attention, objet, requête pour la survie. Parce que nous avons participé aux côtés des Américains à la guerre du Vietnam, parce que nous avons aidé les Français en leur temps et parce que nous avons suivi notre chef, le général Wang Pao, nous supportons encore en cette année 2005 le fardeau de tous ces tourments du passé. Nous sommes à bout de force, nous mourons de faim, nous sommes sans défense face à cette tuerie. Ainsi, je donne procuration à Cyril et Grégoire pour délivrer en notre nom ces deux requêtes auprès des gouvernements concernés. Premièrement, acheminer des vêtements et des vivres et faire pression sur le gouvernement laotien pour obtenir un cessez-le-feu. Deuxièmement, procéder à notre transfert vers d'autres pays. Nous sommes les victimes des guerres passées. Merci. Signé. Groupe CIA numéro 3. Donc la CIA, il y a encore des gens qui s'appellent le groupe CIA au Laos et qui sont en train de galérer dans la. Et tu pourrais mettre une voix rigolote quand tu dis CIA. Non, je peux pas en même temps, ça va être. CIA. Mais du coup, la question que j'avais envie de poser, c'est est-ce que c'est pas un peu bien fait pour eux? Non, parce que, admettons, en fait, c'est un peu les. Oh mon Dieu! Nous, on a le droit d'être relayés. Tu vas terminer ton sujet. Mais non. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas. C'est attends, pas... en plus, il y a sûrement des auditeurs là aussi qui nous écoutent et mais qui mais sont sans doute fort choqués. Non, mais peut-être. Sur les mais pas des mongs, du coup, on voilà, s'en bat les couilles. Oh! Oh! Toujours plus. Mao! Non. Ce que je veux dire, c'est que. Les Hmongs se sont quand même battus auprès des Français contre les peuples indochinois. Ils se sont battus auprès des Américains contre les peuples indochinois. Bon, moi je suis d'accord que moi j'ai vu le documentaire du coup de 2005 sur les gens. Ils sont vraiment en train de galérer. Leurs enfants, c'est triste vraiment ce qui se passe là-bas. Et il faudrait effectivement arriver à un cessez-le-feu. Mais en même temps, moi, quand je vois des types qui se sont battus pour la CIA, qui ont participé au bombardement, donc tous les 8 minutes pendant 4 ans, voilà, je me dis, vous pouvez bien crever dans la forêt, j'en ai pas grand-chose à foutre. Un peu comme les harkis, quoi. Un peu comme les harkis. Mais alors c'est que... bien fait pour non, alors, les attention, harkis. Attention, c'est ce que tu dis attention, là, attention, attention. C'est ça ta déclaration. Mais non, toi, c'est pas une déclaration. Mais non, mais attends, mais les gens... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois, on parlait tout à l'heure des petits touristes blancs qui débarquent dans des pays et font des leçons de morale à tout le monde. Mais là, c'est je fais pas une leçon de morale. Mais sans être des touristes, on est là à nos micros et on dit à des gens qui galèrent et qui crèvent. Non, mais c'est un peu bien fait pour ta gueule quand non, même. Non, mais c'est juste que. C'est pas que c'est moment, bien fait. C'est pas que c'est bien fait pour ta gueule. À un moment, t'as choisi le mauvais camp. Ils sont victimes des guerres passées, ça on est d'accord. Mais ils ont d'abord été les coupables de guerres passées avant d'être des victimes. Voilà, messieurs. Bim. Et tu penses que c'est un peu comme des nazis cachés sur la lune? Et voilà, le point Goldwyn. Mais non, mais c'est vrai qu'on peut atteindre le point Goldwyn à ce moment-là. C'est vrai que pourquoi est-ce que les nazis, pourquoi est-ce que les enfants de nazis aujourd'hui seraient persécutés? C'est vrai que les enfants de nazis n'ont pas à être persécutés. Par contre, les nazis eux-mêmes qui ont participé à la guerre, le docteur Mengele, mon cul, ces gens-là. Oh, non, mais tu dis pas mon cul comme ça, c'est ces gens-là. Mengele. Ces gens-là. Ces gens-là, moi je dis qu'ils allaient se faire foutre. J'ai voilà. Visité la prison où a été enfermé Klaus Barbie. Oui, on sait. J'ai chialé de voir toute cette non, horreur. Mais il faut pas que tu en dises trop non plus sur tes hobbies des week-ends. Ouais, on va éviter. Parce que bon, calme-moi. On sait bien ce que tu fais avec. N'est-ce pas, oui, n'est-ce pas, on sait bien ce que tu fais avec les juifs. Tu vas biper ça? Non, alors, ouais. Si on prononce le mot juif, on va non. Attention. Non, on va couper ici la fin. On les aime. On aime Cyril Hanouna. Mais je sais pas. Bienvenue dans Glovok. Une émission incroyable. Bon, du coup, en plus, la musique est pas assez forte. C'était pas prévu, mais ça tombe mal. Bon, bah tant pis, on va enchaîner directement avec 10130. Après cette partie merveilleuse qui nous a tous plu. Ah non, mais. C'est allé trop loin. C'est allé trop Alors, loin. Moi, ça va aller vite. Hein, ça va être vite. J'ai déjà. Bienvenue dans le Géno, les génocides. Géno, les Géno quiz. Alors, le principe du Géno quiz est très simple. Merde. J'ai coupé la musique, merde. Oh putain de merde. Attends, je vais en mettre une autre. Vas-y, très continue. Hein, alors, le principe du Géno quiz est assez simple. Je vais vous citer quelques conflits et vous allez me dire qui sont les génocideurs et qui sont les génocidés. Très bien. Très rapidement. Voilà, ça va être un petit moment de bonne humeur. On va partir sur un sujet un peu plus léger. Mais oui, parce que justement, parlant des mangues, des gens qui se font massacrer et tout, on s'est dit, bon, quitte tant qu'à faire, allons au bout de l'idée. Alors, je vais commencer par un petit exemple. Entre les Gaulois et les Romains, qui sont les génocideurs et qui sont les génocidés ? Les Gaulois. Bah, les Gaulois sont les génocidés. Les génocidés, d'accord. Oui. Donc on va juste citer les génocidés. Voilà, les génocidés, c'est ce sont les Gaulois. Effectivement, pendant la guerre des Gaules, les Gaulois ont été massacrés par les Romains. C'est QFD. Je pense qu'on est bien placé pour le savoir en plus. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Ensuite, entre les Chinois et les Mongols au XIIIe siècle, qui a été génocidé ? Les Mongols. Eh ben non, complètement raté. Les Chinois se sont fait défoncer. Il faut savoir qu'au XIIIe siècle, la plus grande extermination de masse de l'histoire avant le régime maoïste, c'était des Mongols qui ont massacré des Chinois. Il y a eu quand même entre 10 et 40 millions de personnes génocidées quand même. Mais c'est énormément de gens. C'est beaucoup de gens, on est d'accord. Ça commence. Mais ça ne rigolait pas à l'époque. D'accord. Voilà, du coup, les petits, les Mongs, ils sont quoi, 3000? Ça va. Ouais, non, mais non, ouais, il en reste faut pas mal. Comparer les génocides. Voilà, on compare pas. On compare pas, on ne compare non, on pas on les compare souffrances. Pas. Alors, aussi. Mais attends, juste, c'est pour ça qu'ils ont fait la Grande Muraille de Chine d'ailleurs, c'était pour contrer les invasions. Ah, exact, exact. Bien sûr, c'était vraiment chaud. C'est pour faire la Grande Muraille de Chine, fallait vraiment que ce soit chaud, quoi. On les comprend. Entre les Républicains et les Vendéens. Les Vendéens, évidemment. Effectivement, 1793 et 1794. T'as déjà été au Puy du Fou. Gros. Culture, Philippe, d'ailleurs, si De Villiers pense à nous en ce moment, on prend des annonceurs pour le Puy du Fou. Du coup, pendant la grande période connue comme la Terreur, en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ce n'était pas un génocide, mais selon un certain Gracchus Babeuf, révolutionnaire français, c'était un populicide. Un populicide. Ah, oui, bah c'est ça quoi va. La différence entre un populicide et un génocide, je crois pas. Je ne sais pas, ce monsieur Babeuf dit que c'est un populicide. C'est lui qui a inventé ce mot avant que le génocide n'arrive. Le mot populicide a été utilisé par ce type pendant la période de la Terreur, quoi. D'accord. C'est un révolutionnaire d'antan. Et c'est un mot qui précède le mot génocide. Déjà, il a été inventé plutôt pour les. Voilà. Déjà, le mot est plus mignon, je trouve. Populicide. C'est plus rigolo. Ouais. C'est mais c'est un euphémisme en fait, c'est ça. Parce que le mec était. Oui, il voulait sauvegarder la. Enfin, comment dire. Il était là pour faire l'apologie du gouvernement révolutionnaire français, c'est ça le truc. Mais ou, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez important. Ce Babeuf, il a inventé le babouvisme. Le babouvisme. Qui est une idéologie, il a inspiré l'anarchisme et le communisme. D'accord. Quand même. Il faudrait se renseigner sur ce garçon. Il était important. Bref, on s'en bat les couilles. Ouais. Alors, entre les créoles et les noirs haïtiens. Ah, oula, là c'est chaud par contre. Là c'est pas facile. Moi je pense que c'est. Pour un petit indice, les créoles sont blancs. C'est les noirs haïtiens. Eh ben faux. Oh, on s'est fait avoir le piège. Le salaud. La question piège. Racisme anti-blanc. On en bien parle. Sûr. Oh, le bien salaud. Sûr. Alors sachez que les créoles blancs en Haïti ont été massacrés en 1904. Ça faisait partie de la révolution haïtienne. Entre 3000 et 5000 morts quand même. D'accord. Ordonnés par un certain Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines. Ah mais oui, ça me dit quelque chose, ça. Mais oui, Dessalines, c'était le mec qui... oui, ouais, qui c'était le mec d'Haïti, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, donc ils ont massacré. Mais le français. Que... Ouais, mais c'était un... Voilà. Oh, c'était de bonne guerre. C'était de bonne guerre. On va dire ça. Alors... La guerre, c'est de bonne guerre. Entre les cipayes... Oula. Et les cipayes. Entre les cipayes et les cipayes. Ah bah je dirais les cipayes. Ouais, je dirais pareil, sûr. Les cipayes plutôt. Celui-là il m'a fait rire. En fait, c'est quoi les cipayes? Les cipayes, c'est des soldats indiens qui travaillaient pour la compagnie anglaise des Indes orientales. Donc il y a eu une grosse rébellion faite dans les années, enfin au 19e siècle quoi. D'accord. Où ont été massacrés près de 10 millions de gens quand même. Putain, 10 millions, mais il y a eu des gros génocides quand même. Mais il y a des peuples qui sont, les Indiens et les Chinois, 10 millions, ça va, oui. Ils s'en sortent. Quoi. Ils sont 1 milliard ouais, et quelques aujourd'hui. Ça demande quand même mais moyens, ça fait quand même beaucoup, beaucoup des humains. Ouais, bah oui. Tu vois, mais quand tu le rapportes à la population, ça va. Non mais il n'y a pas de ça va. Tu ne peux pas dire ça. Non, je plaisante. Tout ça, et je suis mal à l'aise avec la mort, du coup je relativise. Alors maintenant, entre les Maoris et les Moriori. Entre les Maoris et les Moriori. Qui se sont fait massacrer en 1935. Les Maoris. Les Moris. C'est les Moriori. Mais voilà, je le savais. Les Moriori. Ben oui, j'avais vu une vidéo. Mais c'est quoi son fait grand là-dessus? J'ai vu une vidéo de Watch Mojo français sur les meilleurs génocides. Mets en commentaire s'il y a un génocide que tu préfères. Et alors, toi, connais-tu un génocide que tu as? Mets-le en commentaire. Entre les Herero. Gros pouce bleu pour Herero. Les 10 millions de morts. Let's go, boy. Entre les Herero et les Namas. C'est un peu. Mais enfin, tu nous as pas parlé des Maoris et des Moriori. Ah non, pardon. Est-ce que c'est important? D'accord, ok, pardon. C'est pas vrai, j'aime beaucoup les Maoris et les Moriori. Héros. Je passe mon temps à m'excuser après à insulter les gens. C'est ouais. Très sympa. Alors, entre les Herero et les Namas et les Teutons. Mais non, mais c'est les autres parce que les Teutons c'était clairement des. Attends, c'est peut-être un piège. Hein. Mais non, mais les Teutons c'était les Germains, non? Enfin, les bah Allemands. Ouais. Ouais, c'était les Allemands. Les Allemands. Bah, c'est les. Bah... Ah. C'est qui les premiers, t'as dit? Les Herero et les Namas. Les Herero et les Namas, mais c'est ouais. Qui je peux pas, j'ai pas C'est de, pas je les invasions barbares, ça. Attends. Ouais, franchement, je dirais les Teutons. Ouais, ouais, les Teutons aussi, ouais. Et bah, vous avez tort, bande de sales racistes blancs. Putain. Vérité, mais non, mais les Teutons, ils sont blancs. Pourquoi on serait racistes blancs? Ils sont complètement mais blancs. Parce que vous considérez que c'est les Teutons qui se sont fait massacrer, alors que les Herero et les Namas, ce sont des Namibiens. D'accord. Voilà. Mais quoi qu'on dise, on est raciste, quoi. Mais c'est mais ça mais le truc. Sûr. Bravo. Bien sûr. Ça, mais... c'est du racisme alors, anti-blanc. C'était pendant les croisades. Ça s'est passé en 1904 et que c'est considéré aujourd'hui comme le premier génocide du XXe siècle. Donc il y a 1930. Eu. Est-ce que tu pourrais juste prendre ton micro et le mettre face à ta bouche et ne pas parler trop près. Le mettre assez face. Comme que ça. Ça fait du souffle. Comme ça. Voilà. Ok. Du coup, les Herero et les Namas, c'est des indigènes de Namibie. Hein. 80% des autochtones insurgés ont été massacrés quand même par les Allemands. Franchement, on est content qu'ils ne soient pas allés au bout. Hein. Quand ils ont commencé à coloniser, ils n'y allaient pas de main morte, les Allemands. Ouais. Donc ça fait quand même entre 65 000 Hereros et 20 000 Namas qui ont été massacrés par les Allemands. Bah, ça va. Avec les chiffres que tu nous as sortis avant, là, c'est tout. Ouais, ça relativise un peu. Hein. Pourquoi tu nous parles de ça? C'est même pas intéressant. En 1937, c'était le premier génocide du XXe siècle quand même. C'est avant vrai. Les fameux... Bon, bref. Entre les Dominicains et les Haïtiens. Ah, les Dominicains. 1937. Bah, je sais pas. Les Dominicains. Ouais, allez. Moi, je repars sur du racisme anti-blanc. Allez. Clair et net. Eh ben, vous avez encore une fois Putain, tort. Mais c'est pas possible. Mais bien sûr, il y a eu donc 20 000 morts. Donc, les Haïtiens et les Dominicains, sous le règne de Raphaël, parce qu'en fait, c'est des Le chanteur? Non, Raphaël Léonidas. C'est l'ancêtre. Caravan. Raphaël Léonidas Trujillo Molina, qui avait une idéologie raciste, qui dirigeait la République dominicaine à l'époque, et qui, c'est pour le coup un conflit racial, donc on ne rigole pas. Ah. Parce que... Caravan. Parce que ce Molina, si vous voulez, il avait... son idéologie soutenait que les métis d'ascendance hispanique étaient supérieurs aux noirs d'origine africaine. Donc ils ont fait massacrer D'accord. des gens plus ou moins pour cette raison. D'accord. Sachant qu'ils ont... ils célébraient aussi ce qu'ils appellent le jour de la race. Le jour de la race. Oh cette, le jour de la race, en fait, c'est le 12 octobre. C'est la fête qui célèbre la découverte des terres émergées par Christophe Colomb. Et c'est d'accord. C'est Columbus Day aux États-Unis. Dans certains pays d'Amérique latine, on appelle ça le jour de la race. D'accord. Ouais. Ça, c'était une anecdote intéressante. Je t'en prie. 10130, tu ne respectes pas du tout la règle du micro, là. On a investi pour ce matériel, bordel. Je fais ce que je peux. Je suis un peu déconcentré. Excusez-moi, jeunes gens. On va terminer si vous le voulez bien. On va continuer un peu. Mais la dernière question, c'est alors entre les Cambodgiens et Frédéric Lordon, qui a été génocidé? Ça, c'est une question piège. Alors, il faut connaître Frédéric Lordon, sinon il n'y a pas de blague, je pense. Mais du coup, je vois pas non plus le rapport. Moi, je connais un peu Frédéric Lordon et je vois quand même pas le rapport avec les Cambodgiens. Mais qui est Frédéric Lordon? Frédéric Lordon, idéologue de gauche, marxiste, qui était notamment très présent et qui a pas mal construit Nuit debout à l'époque. Ouais, et qui a eu un commentaire très élogieux de la part de l'illustre Alain Finkielkraut. Ah! D'accord. La comparer à. Ben, je ne sais pas. Un sioniste? Il a dit sioniste? Non, à Pol Pot! Oh là là! Ah, d'accord, ok. D'où le fait que Frédéric Lordon, c'est Pol Pot. Donc, entre Pol Pot et les Cambodgiens, qui est-ce qui a massacré l'autre? Pol Pot. Bravo! On applaudit pour Monsieur Delac. Oui, quand même, on rigole, mais c'est entre 1,7 million et 3 millions de personnes qui ont été massacrées sous les Khmers rouges, quand même. C'était pas joisse. On va quand même terminer avec une petite dernière, si vous voulez. Entre les Polonais et les Ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Polonais et les Ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui a été le plus massacré? Ils sont massacrés. Qui a massacré l'autre? Les Polonais ils sont fait massacrer, non? Parce que les Polonais ils sont pas spécialement battus. Mais les Ukrainiens ils étaient du côté russe, du coup pourquoi les Russes auraient massacré les Polonais? Mais surtout pourquoi les Polonais se seraient battus contre les armées nazies polonaises, j'imagine qu'il y en a eu. Je suis pas au courant. Donc moi je pense que c'est les Polonais qui ont massacré les Ukrainiens. Moi, je dis que c'est Frédéric Lordon qui est coupable. Eh ben, les deux réponses étaient valables, mais surtout, c'était les Polonais qui se sont fait massacrer. Mais en fait, les Ukrainiens aussi se sont fait massacrer. Il y a 80 000 civils polonais qui se sont fait massacrer par l'armée insurrectionnelle ukrainienne et des milliers de paysans ukrainiens qui se sont fait remassacrer par les Polonais. Et aujourd'hui encore, les deux se rejettent la faute l'un sur l'autre. D'accord, donc c'était 50-50, quoi. Ouais, surtout. Peut-être pas 50-50, je pense que les Polonais ont pris plus cher, mais en gros, chacun s'est un peu massacré. D'accord. Très bien. Pour terminer, le grand, le puissant, le dernier grand génocide du siècle, enfin du siècle précédent, entre les Tutsis et les Hutus. Alors ça, j'en ai aucune idée. Alors ça, c'est chaud, je me souviens jamais de ça. Hein. C'est dur, c'est le ça truc. Qui est drôle avec ce truc. Chocolatine ou pas en chocolat? Allez, moi je dis les Hutus qui ont été massacrés. Je crois que c'est les Tutsis qui ont été massacrés par les Hutus. Et ben c'est Delax qui a le point final. Évidemment que c'est les Tutsis qui se sont fait massacrer, ça a fait quand même plus de 800 000 morts. C'était pas très très drôle. Mais pour terminer avec une anecdote rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une, sachez que pendant la guerre du Congo, c'était dans les années 2000, entre 2002 et 2006, je crois. Ouais. Je me rappelle pas très bien les chiffres. Il y a eu quand même 4 500 000 personnes qui sont mortes. Juste pour contextualiser la guerre en Syrie et les 500 000. D'accord. Bon, ouais. On en est là ce soir. On est vraiment, Sur un relativisme absolu. Des gens meurent tout le temps. Et il faut de temps en temps prendre nos proches dans nos bras, les aimer le plus fort possible et penser que chaque être humain qui meurt, c'est une plume qui s'envole. Une plume de Glovoc. Prends ton micro 10130. Ne te laisse pas abattre. Bon, on arrive sur la dernière partie de ce podcast. Ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Et pour un podcast, vraiment, on était vraiment, je pense, bah, comme je disais au début, l'amour, la tolérance et le consentement mutuel. On est en plein dedans, j'ai l'impression, dans ce podcast. Non, alors, juste une précision quand même, de ce qu'on a dit depuis le début. On rigole. mais non, moi je suis sérieux. Non, mais soyons sérieux deux minutes. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de mort et de génocide dans ce podcast. C'est pas très rigolo. Il y a eu beaucoup de génocides dans le monde. Et en général, ce sont toujours les puissants qui vont génocider les faibles. Ouais. Et nous, en l'occurrence, on est en train de faire un podcast. On a acheté du matériel. On est bien. Nous sommes dans le camp des puissants. Nous sommes pas dans le camp des puissants, mais nous sommes du côté des puissants, malgré nous ou pas. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas. On rigole avec ça parce qu'on se permet des choses. Mais honnêtement, voilà, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie des crimes de guerre. Nous ne sommes pas là pour. Mais non, mais surtout qu'on est incapable de tuer des gens pour qu'on ferait l'apologie des crimes de guerre. Est-ce qu'on est obligé de le rappeler, ça? Oui, mais on est obligé de le rappeler parce qu'on a quand même dit beaucoup de choses dans ce podcast. Franchement, on est allé assez loin, je trouve, dans ce podcast. Non, ça va. Franchement, si quelqu'un, des gens ne comprennent pas que c'est une manière de dédramatiser, parce qu'il faut quand même rendre compte de... Il y a eu 10 millions et 40 millions de gens qui sont morts en Chine. Est-ce que quelqu'un s'en soucie? Non, tout le monde s'en bat les couilles. On continue de considérer que les Chinois, ce sont des communistes qui ne donnent pas de liberté aux gens. Et c'est vrai. Oui. Et c'est-à-dire que les humains, c'est ce qu'ils ont toujours fait, se massacrer de temps en temps être en paix, s'aimer quand on peut, et puis continuer à prolonger l'histoire de cette belle race que nous sommes sur Terre. Et c'est ça le plus important, c'est que... on finit par s'en sortir. Puis voilà. L'idée, c'est qu'il n'y a jamais de gentils, en fait. Il n'y a que des méchants tout le temps. C'est un peu ça. Sauf moi. Moi, je suis gentil. Faut savoir qu'il y a un proverbe d'un César de la Rome antique, mais je me souviens plus lequel c'était, qui a dit que la paix n'était qu'une trêve entre deux guerres pour que les armées puissent se préparer à une nouvelle guerre. Ah bah, je suis d'accord avec César. Je conclue. Non, bon, du coup, on va vraiment passer à la partie finale de ce podcast cette fois. Alors, j'avais donc... bon, cette fois, c'est 10130 qui s'en va. Donc, comme vous savez maintenant, dans ce podcast, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin, à chaque fois, on va essayer d'avoir une discussion un peu plus libre, parce que on va essayer de sortir un petit peu des rubriques, de parler les uns après les autres. Et du coup, à chaque fois, on va donc soit parler d'un film qu'on aura vu ensemble tous les trois, soit se poser une question ensemble et essayer d'y répondre, en tout cas d'argumenter sur cette question. Alors, du coup, j'ai eu plusieurs questions qui me sont venues en tête quand j'ai essayé de préparer ce petit truc. La première question que je me suis posée, c'était la question des effets du tourisme sur le pays. Est-ce que on a un mensonge général sur le tourisme? Mais je me suis dit qu'on aurait suffisamment parlé de tourisme. Ensuite, je me suis demandé une autre question, c'est-à-dire est-ce que les Américains sont toujours des fils de pute irrattrapables quelque part, hein? Jamais. On ne peut rattraper les Américains pour tout ce qu'ils ont fait. Mais ça, je pense que c'est le problème en fait d'être la première puissance mondiale, parce que ils sont obligés de tremper dans toutes les affaires néfastes du monde. C'est de la jalousie. Étant donné qu'on t'entend pas, 10130, je pense. On ne t'entend pas. Il a dit que c'était de la jalousie. Il a dit que c'était de la jalousie. Voilà. Jalousie. Hashtag jalousie. Bon, et la dernière question. J'ai dit que c'était de la jalousie. Ouais. Calme-toi, assieds-toi, prends un siège. Et donc, on a déjà suffisamment parlé de la guerre comme ça. Mais par contre, la dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est que on s'est un petit peu voilé la face, hein, depuis le début de ce podcast. Parce que le Laos, c'est quand même une ancienne colonie française. Et ça, on n'en a pas parlé. Et il y a des Laotiens. On n'en a pas France. Parlé, tu rigoles, j'en ai parlé. Oui, tout tu en long as parlé partie. Un petit peu, mais on n'a pas parlé peu. De la colonisation, on a parlé de. Voilà, c'était un protectorat français. Protectorat. Mais du coup, moi, je voulais un petit peu revenir sur cette question du rapport que la France peut avoir avec, la colonisation des pays asiatiques, en fait. Parce que. On a bien conscience de la colonisation des pays africains, notamment parce que ça a été la plus importante, la plus régulière et la plus longue. On a aussi conscience de la colonisation des pays arabes, que ce soit le Maghreb ou même la Syrie, même si on a un petit peu moins conscience de la Syrie. Mais c'est vrai que la colonisation des pays asiatiques, on s'en fout un petit peu en France. Et ça se retrouve notamment dans le fait que le racisme anti-arabe, le racisme, la négrophobie ou même l'antisémitisme, tout ça, c'est des choses qui semblent importantes pour les gens en France et pour les antiracistes, alors qu'on fait une exception pour les Asiatiques, et il y a même cette blague qui existe que ceux sur lesquels on peut taper sans jamais avoir de problème, c'est les Chinois ou les Asiatiques de manière générale. Et je trouve que c'est un truc à interroger. Mais moi, j'ai une réponse toute faite, hein, tout simplement, parce que déjà, ils sont très loin, ouais. Première chose. Et ça se confirme, tu sais, par rapport à ce que je t'avais déjà raconté une fois, c'était par rapport à la mafia néo-zélandaise, ouais. Où les mecs avaient tous des vestes en cuir avec des croix gammées dessus, comme si c'était juste un signe de, un signe, comment dire, qui faisait peur, et enfin il n'y avait pas vraiment de, comment dire, c'était pas grave quoi. D'accord. C'est comme si toi t'avais une tête de mort sur ta veste, ouais. C'est pas grave, tu fais ça en France, c'est très grave. Et moi, je pense que c'est parce que du coup, tous ces pays asiatiques s'y sont loin géographiquement. Ouais. Et en plus, c'est des populations qui ne se font pas remarquer en France du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas des mecs qui mais vont oui, venir s'insurger. On est d'accord. Et c'est ça le truc. Mais c'est en train d'arriver, ça, pour le coup, le fait qu'ils commencent à en avoir un peu plein le cul, qu'on les prenne pour des. Non, mais c'est vrai. Mais c'est normal, c'est légitime au bout d'un moment. Parce que c'est vrai que le fait, ouais, les Chinois, c'est rigolo parce qu'on peut se moquer d'eux et ils disent rien. Bah, peut-être qu'il y a pas mal de Chinois ou d'Asiatiques qui commencent à en avoir un peu plein le cul. Voilà. Après, attention à ce que je dis, je cautionne pas. C'est juste un fait. Non, mais bien sûr, bien sûr, on est bien d'accord. Voilà, je suis pas nazi. Mais voilà, il y a eu récemment quand même une libération de la parole, pas seulement des femmes du coup, mais aussi des minorités ethniques, notamment parce qu'il y a eu les réseaux sociaux, tout ça. Mais qu'ils rentrent tous chez eux. Ah, merci 10130 pour cette intervention pertinente. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose à observer, que c'est important. Tu voulais pas rester un peu aux toilettes, toi ? De quoi ? Tu voulais pas rester un peu aux toilettes ? Tu voulais pas... Non, mais attends, je... On rigole, mais bon, tout alors, ça. Non, mais c'est pas ça. Où est-ce que vous avez mis tous les trucs pour que je me serve un verre, s'il vous plaît. Merci. En tant que descendant de colonisés, voilà. Voilà, Joker. Joker. Qu'est-ce que tu veux faire, hein. Tu me fais éventuellement une sorte de petit cocktail. Le truc avec les Noirs et les Arabes, cocktail c'est qu'on est un peu emmerdant comme type de personne. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on est là pour se plaindre un peu. Même si on profite, on n'est quand même pas très content. Et aussi, il faut dire que bon, la colonisation des pays asiatiques n'a pas été aussi... Enfin, peut-être pas... Non mais oui, on est d'accord. Ce qu'a fait la France en Indochine, enfin au Laos en particulier, il y a eu quand même assez peu de choses. Quoi. Même aujourd'hui, il n'y a pas de post-colonisation très importante du Laos. C'est ça. Alors qu'en en Afrique et en Arabie, le Maghreb, en Maghrebie, c'est toujours un truc, en fait. Du coup, les conséquences sont toujours portées par les enfants qui sont là pour se rappeler. On a toujours les échanges très particuliers, en plus, des bourses et des choses comme ça, qui font qu'on est tout le temps en contact avec les populations immigrées des pays, les plus proches, des Afro-Arabes, si vous voulez, mais pas des Asiatiques. Et en plus, eux, ils avaient des civilisations déjà assez importantes et assez développées. Bon, là, je suis en train de faire quelque chose d'assez dangereux. C'est de dire que les civilisations africaines, ouais, par exemple, en prenant le cas juste de la civilisation africaine, n'étaient pas des civilisations extrêmement développées d'un point de vue culturel vu par l'Europe. Ce qui fait qu'il y a eu une plus grande facilité à tout nettoyer et à reconstruire par-dessus, si tu veux. Ce qui n'est pas le cas en Asie, où il y a quand même... Le sentiment d'une... Ouais, d'une voilà, il y a eu de la conservation, leur culture. Ça n'a pas été aussi... L'appropriation culturelle n'a pas été aussi violente en Afrique qu'en Asie qu'en Afrique. En fait, c'est le sentiment que moi j'ai. Ouais. Parce qu'ils ont conservé leur temple, leur truc, leur machin. Bon, à la fin, c'est surtout qu'ils payaient des impôts, en fait. C'était plutôt ça le problème. Mais en Afrique et au Maghreb... C'était un peu plus compliqué. Il y avait vraiment des colons qui se sont installés massivement, surtout au Maghreb. Ouais, les pieds noirs. Qui ont pris possession du territoire et qui ont considéré pour beaucoup que ce territoire-là, c'était pas juste un protectorat, mais que c'était aussi un département comme au Sénégal ou comme en Algérie, par exemple, donc qui avait un rapport plus... Mais ça, je pense que c'est un truc qui s'est plus fait du coup du côté britannique en Inde. Je pense qu'ils ont plus occupé physiquement l'Inde que nous, on a pu le faire en Indochine, où c'était encore une fois un protectorat, c'était pas le même délire. Oui, non, mais des protectorats, on sait ce que ça veut dire aussi, les protectorats. Même s'il y avait l'histoire de la route de la soie et que ça faisait du bien au cul d'avoir un peu la possession de la route et que c'était cool. Mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais en même temps, en Inde, il y avait quand même toujours les Maharadjas et des trucs comme ça. Hein. Dans l'armée britannique en bien Inde, sûr, la majorité des soldats, c'était des Indiens quand même. Ah oui, mais je suis tout à fait, d'accord avec toi. Souvent, ils plaçaient un gouverneur ou deux ou négociaient avec le roi ou le chef local, et c'est ça aussi le protectorat, quoi. Tu laisses le mec en place et tu mets un gouverneur au-dessus du mec, et puis tu dégrades en fait tu prends la place suprême, tu crées une nouvelle place et tu la remplaces, et le mec doit te rendre compte, mais il a toujours une espèce de pouvoir symbolique, notamment pour pouvoir négocier avec les populations locales, parce que tu peux pas juste débarquer. Oui, tu peux pas arriver. Et ce qui s'est passé aussi, du coup, c'est que souvent, ces chefs-là, les chefs locaux, ils ont pu avoir accès à leurs enfants ont pu avoir accès à une éducation européenne beaucoup plus facilement. C'est le cas de Pocahontas, par exemple, qui est allé étudier, qui est allé mourir en Angleterre, je crois. Ouais, très jeune en plus. Ou un truc comme ça. Ouais, et c'est aussi le cas de la... Je ne sais plus de quel pays vient ce roi. Je crois que c'est le roi du Siam. Je sais plus, mais il y a un film très connu, Anna et le roi, je crois. D'accord. Je sais pas si vous. C'est non, un film avec où en gros il y a une espèce de préceptrice qui est partie enseigner à un roi asiatique, enseigner à l'enfant du roi d'un roi asiatique la culture européenne. D'accord. Et qui est tombée amoureuse du roi. Donc il y a eu des choses comme ça, c'est-à-dire que les bourgeois des pays colonisés sont restés globalement des traîtres, quoi. Mais moi, ce que je trouve un peu triste dans toutes ces histoires de colonisation, on parle de la France spécifiquement en plus, c'est ce que les Anglais ont réussi, que les Français n'ont pas réussi, et qui est extrêmement dommage, c'est que les Anglais ont pris conscience de l'Empire, du reste de l'Empire, et de l'importance de considérer les gens de l'Empire, même si c'est toujours un peu des subalternes, hein, les Pakistanais, les Indiens en Angleterre ne sont pas forcément considérés, mais ils ont réussi à avoir plus de place parce qu'ils faisaient partie d'un empire qui avait une unité de représentation symbolique, en fait. Tout le monde savait que la reine, c'était Victoria, donc tout le monde fermait sa gueule. En France, la métropole a toujours eu ce côté un peu, nous sommes la métropole, les colonies sont des colonies. On s'en bat un peu les couilles. Ce qui fait que maintenant, on a les gens des îles qui ne sont pas contents parce qu'on ne les respecte pas. Mayotte se plaint. Bah, tu m'étonnes que tu... Mais bien sûr. Mais parce que l'État français, la République française, est une République artificielle, en fait. Elle donne l'impression à tout le monde que, ouais, elle est égalitaire, elle est sympa, alors qu'elle s'en bat les couilles de la plupart des gens. Elle s'occupe principalement de la métropole. Et encore. Et les anciennes colonies n'en parlent même pas. Alors que l'Angleterre a tendance pour le Brexit, l'un des arguments du Brexit, c'était formidable, c'était de dire, écoutez, on s'en bat un peu les couilles de l'Europe, on a l'Inde comme marché, on peut très, très bien aller piocher là, on a l'Australie, on a plein de pays où on peut, avec lesquels on peut discuter, et la France est un peu coincée parce que j'ai l'impression qu'elle suit souvent l'Angleterre et qu'à la fin elle ne sait pas gérer aussi subtilement les choses que l'Angleterre. Ou alors elle suit l'Allemagne, sauf que l'Allemagne, elle, n'a pas de puissance coloniale. De puissance coloniale et de trucs à régler. Donc elle est un peu entre l'Allemagne sans colonie et l'Angleterre avec des... Mais il y a toujours eu un truc à prouver avec l'Angleterre. Il y a toujours un moyen de... Enfin, il y a toujours eu un concours de bites avec l'Angleterre. C'est le concours de bites, évidemment. Depuis toujours. Ça, mais est-ce que ça ne vient pas un peu de là, justement, ce côté rayonnement culturel français ? Est-ce que ce n'est pas, justement, cette façon de coloniser sans coloniser, alors que les Anglais, j'ai l'impression, ont quand même un pouvoir politique suffisamment important, et le pouvoir symbolique, il est déjà pris pour les Anglo-Saxons par les Américains, en fait. Ils ont déjà Hollywood et tout ça, donc ils n'ont pas besoin, les Anglais, d'en rajouter là-dessus. Alors que nous, les Français, on a une sorte de complexe, si tu veux, par rapport à notre petite culture, où on est obligé de faire l'exception culturelle française, tout ça, petite culture... Mais je dis qu'on a, par rapport aux Américains, ou la culture anglo-saxonne... Ah non, mais bien sûr. Mais moi, j'ai quand même l'impression... Venant justement d'un ancien pays colonisé, j'ai l'impression que les gens adorent la France. Mais bien sûr. Et les gens aiment beaucoup la France, et la respectent et espèrent que la France puisse vraiment les aider. Dans les moments de crise, les gens se tournent véritablement, les anciennes colonies se tournent véritablement vers la France pour travailler avec elles comme des partenaires. Mais tout ce qu'on a en retour, en général, c'est Emmanuel Macron qui débarque au Sénégal et qui donne des leçons de morale à tout le monde, comme ils ont toujours fait. Et ça, c'est parfois un peu difficile à vivre, ouais, quand même, de se dire, bon, franchement, on a toujours le franc CFA chez vous, on a toujours plein de choses qui nous rattachent, on a des familles ensemble. Et ce qui est encore plus curieux, c'est de savoir que malgré tout ça, les Français sont quand même beaucoup plus métissés avec les anciennes colonies que les Anglais en termes de mariage, par exemple. Ça, c'est l'exception culturelle française. C'est, bon, on ne t'aime pas beaucoup, mais s'il y a moyen de baiser une ancienne colonisée, pourquoi pas ? Juste pour revenir tout à l'heure, ouais, je voulais dire un truc. Quand tu parlais du fait que les colonies du XXe siècle étaient plus, comment dire, plus impactantes, tout ouais. ça, c'est parce que surtout qu'on a des témoignages. C'est vrai. On a plus de témoignages, on a plus récent. De preuves, et on a ce côté récent. Et puis voilà, alors que le massacre des Indiens aux États-Unis sur le continent américain a été. On continue à en parler de aussi. Ça quand même. Hein. Ça, pour le coup, c'est vrai que c'est un des massacres dont on parle encore assez régulièrement. Mais parce que ça a donné naissance à un pays tout entier, à la ouais. première puissance mondiale, quoi. Donc bien sûr que ça a choqué les gens. Ça, de toute façon, dans tous les cas, les Chinois vont reprendre le pouvoir comme ils l'ont toujours eu, et puis tout ira bien. On arrive sur la fin de ce podcast. Voilà, c'était le dernier épisode le premier et dernier épisode de Glovoc. Exceptionnel. Un épisode assez spécial, parce que c'est vrai que là, quand même, on a parlé de beaucoup de sujets assez graves. D'habitude, on essaie de rester un petit peu quand même dans la légèreté et tout ça. Là, on est allé un petit peu dans les trucs hardcore, hein, j'ai l'impression, sur cet épisode. Oui, mais on reviendra avec les chaînes YouTube des pays africains. Ouais, bah ouais, ouais, bah ouais, je sais, mais j'ai cherché les chaînes YouTube en plus du Laos. Des trucs plus légers, j'ai cherché. Ce coup-ci, on voulait marquer le coup en faisant des trucs un peu, voilà. Un peu borderline. Voilà. Je pense qu'on a été borderline. Suffisamment borderline. On a quand même réussi à trouver des traces du Glovok. Ouais. Je crois qu'on a vu un Glovok qui a été capturé par les Hmong. Ça, j'ai trouvé ça super choquant. Oui, ce moment. Vas-y, raconte. Bah, enfin, ça c'était grave. C'est que on s'est retrouvé du coup face à. Dans cette jungle où il y avait des Hmong, et il y avait ce vieux Hmong qui avait un animal absolument merveilleux, très très beau, dans sa cage. Et lui, il était devant la cage, et il avait un fusil. Du coup, on lui a posé la question bêtement, mais est-ce que votre fusil, il fonctionne? Oui. Est-ce que vous avez des munitions? Oui. Combien? J'ai deux balles. Deux balles. Une pour le Glovok. Et pour moi. Un moment exceptionnel. Bon, voilà, on arrive à la fin de ce Glovok. On espère que ça vous aura plu. On espère que vous avez passé quand même un bon moment avec nous. Je pense qu'on a quand même fait honneur au Laos dans cette émission, c'est-à-dire qu'on a quand même parlé de l'histoire du Laos, on a quand même parlé de choses dont on ne parle pas souvent du Laos, on a bien évité sûr. De parler trop de tourisme, et on a abordé des sujets qui certes sont graves, mais qui au moins, il me semble, sont respectueux de l'histoire du Laos et de ce que le Laos a à dire au monde. Quoi. Bah, je pense qu'on est resté dans l'esprit Glovok quand même, c'est-à-dire parler de trucs un peu graves, des pays dont on n'entend jamais parler, et essayer de déconner autour de ça, parce que ouais, si on avait essayé de vraiment rester sérieux avec des sujets sur lesquels on a parlé, ouais. Franchement, on aurait pleuré, et moi, j'aime pas trop pleurer. Ouais. Bon, bah, n'hésitez pas en tout cas à suivre Glovok sur les réseaux, hein, Instagram bien entendu, at Kuntalibre, K-U-N-T-A _ libre. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, on a une page Glovok, et à partir de maintenant, vous allez même aussi pouvoir nous suivre sur Twitter. Oui, oh. Messieurs, dames, nous allons avoir un compte Twitter. Il existe déjà depuis un certain temps, mais pour l'instant, il n'a pas encore été actif. Mais à partir de maintenant, à partir de cet épisode, nous allons pouvoir lancer le compte Twitter de Glovok, et ça va être absolument merveilleux. On se retrouve d'ici peu de temps, normalement, avec une invitée. pour le prochain épisode. Je ne l'ai pas encore contacté, mais il faut que je m'y attelle. Mais normalement, on aura une invitée pour le prochain épisode, ça va être cool. Et voilà, d'ici là, on espère que vous allez passer un bon moment, écouter de beaucoup, beaucoup de podcasts. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes, n'hésitez pas à nous donner de l'argent sur Patreon, sur PayPal, sur Tipeee, sur mon compte en banque directement, vous pouvez m'envoyer un mail à delax@glovoc.com. Faites-vous du bien, apprenez des choses, et à très bientôt dans un nouvel épisode de Glovoc. Wouh!